들어가면서 지금 영혼의 생명입니다. 웨딩센 미소가 안되지만지 아울지 이기찬지 Centre Georges Pompidou ou Bobo, tout simplement. Ici, dans la bibliothèque publique d'information, j'ai passé aussi des jours en faisant de la recherche. Ici, on a la plus belle vue de Paris, au moins le toit de Paris. Il y a toujours de la musique, des travaux. Et à ce moment, bon, on se prépare pour les Jeux Olympiques 2024. L'année prochaine, le centre sera fermé. Pas d'expo. Normalement, la façade n'est pas comme ça. Mais c'est un moment historique aussi. Je prends une photo quand même.